L'étoile assez grande pour cacher un avenir, mais heureusement, on fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. Toujours de l'espoir, est-ce qu'on est naïf? Des souvenirs qui remontent le temps. On écoutait du reggae, ma chambre d'enfance c'était la Jamaïque. Noir comme le cœur de mes frères, comme mes lunettes de soleil. Ambiance verte qui se brise, cassage de bouteilles, quand gronde le tonnerre. Paris s'éveille, différents mondes qui se croisent au feu rouge. En manque de vitesse, collé à la pluie-tête. Les touristes s'émerveillent, et mes jeans leur vendent la zipette. Trop de vices autour de nous, noyés dans leur peine, je peux plus sauver mes potes. Qui me disent, tu sais, Georges, la bourgeoisie, et leurs clichés de merde, on les fuck. Les gars, stop. On a nos a priori, nous aussi. La plupart de nos barrières sont mentales. Incompris comme Van Damme. Un jour en Louis V et le lendemain en schlag, genre en paire de sandales. Petit, je voulais ressembler aux autres. J'avais honte comme mon père venait me chercher à l'école. Aujourd'hui, ouais, je veux briser les codes. Ambiance scandale, les danses de Van Damme. Pour cacher un avenir, mais heureusement. On fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. Toujours de l'espoir, est-ce qu'on est naïf? Des souvenirs qui remontent le temps. Écouter du reggae, ma chambre d'enfance c'était la Jamaïque. Le goût du spleen sauf pendant les fêtes. Le goût de l'effort debout 6h30. Pendant que tu galères à remplir un caddie. Y'a un millionnaire qui est posé sur une île. Rien d'autre à dire, laisse-moi bouger la tête. J'écoute All Eyes On Me. Musique salvatrice. Bien sûr que le rap nous a sauvé la vie. Au moins, pour toutes les heures perdues dans un lavomatique. J'ai fini par accepter de trouver ça normal. De voir des camés, le cerveau brûlé, y'a une anomalie. Je refais mon lacet et je vois des petits qui courent. Prenez votre temps, faut pas grandir trop vite. Cerf du fric, mais ne crois pas en l'argent. Souvent nos rapports avec lui sont toxiques. Des toits assez grandes pour cacher un avenir, mais heureusement. On fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. Toujours de l'espoir, est-ce qu'on est naïf? Des souvenirs qui remontent le temps. On écoutait du reggae, ma chambre d'enfance c'était la Jamaïque. Des toits assez grandes pour cacher un avenir, mais heureusement. On fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. Toujours de l'espoir, est-ce qu'on est naïf? Des souvenirs qui remontent le temps. On écoutait du reggae, ma chambre d'enfance c'était la Jamaïque. Troisième couplet comme l'époque des grands frères que j'ai jamais eu. T'as parlé d'une fin heureuse, on n'a jamais vu. T'as parlé de politique, on n'y a jamais cru. Émerveillé par le bruit d'un moteur. Jamais de la vie, non pas de rêve matériel. Quelle ironie, le roi des cons avait déjà lu le prince de Machiavel. Manipulation et esclavage moderne. Des dominés et des dominants. Ahurissant, ils ont rien rénové. Ils ont juste retapé la peinture du bâtiment. Tout en surface comme le logo d'une marque de luxe écrit sur ton sweat blanc. Qu'est-ce que ça te dit de toi? Sûrement pas grand-chose, on sait tous faire semblant.